ma bouche pour taire ce que je voudrais tant vous dire, âme bien chère. Je mettrai mes deux mains sur mes yeux pour cacher ce que je voudrais tant que pourtant vous cherchiez. Je mettrai mes deux mains sur mon cœur, chère vie.